Copenhague, Sarre Union, Roland Dumas, trois actualités qui ont rythmé notre week-end et qui méritent que l'on s'attarde sur une nouvelle tendance. En effet, dans la lignée des attentats sanglants de Paris le mois dernier, la France peut se sentir fière de ce qu'elle est devenue. Il faut bien l'avouer, la France a parcouru un chemin, les Français ont évolué, et tout cela grâce à BFM TV. Cela est allé progressivement. Au début, c'était bien, on pouvait à tout moment savoir ce qu'il se passait à l'autre bout du monde et profiter de ce flux d'informations ininterrompues pour voir le monde tel qu'il était vraiment. Mais l'idylle naissante entre les téléspectateurs et Jean-Jacques Bourdin a rendu jaloux Claire Chazal, David Pujadas et autres Gilles Boulot. Peu à peu, les chaînes généralistes ont été présentes sur les grands événements qui rythment nos vies et n'hésitent plus à interrompre leur programme pour suivre en direct l'histoire qui s'écrit sous nos yeux. Acclamons ces valeureux journalistes qui n'hésitent pas à passer des heures dans le froid pour illustrer la neige qui tombe en hiver. Rendons grâce à ces soldats de l'information qui commentent, au plus près du danger, les bouchons des vacances. Idolâtrons les chevaliers de l'actualité qui risquent leur vie pour pouvoir assister à l'arrivée d'un panda sur le sol national. Oui, la France peut se sentir fière de ce qu'elle est devenue et, si pour y parvenir, on compare de jeunes imbéciles alsaciens incultes à un terroriste antisémite danois et qu'on en profite pour faire dire n'importe quoi à un vieux gâteux, qu'importe. L'information avant tout.